la femme de la rue. Allongée sur mon lit de fortune, je reste immobile. Essence en alerte, je guette la nuit. Les membres engourdis de fatigue, je repousse pourtant le sommeil. Il est, en ces heures sombres, source de danger. Malgré un profond désir de m'offrir au doux coton de l'oubli, mes nerfs tendus refusent de céder. Les lampadaires parisiens éclairent les rives de la Seine. Des bateaux mouches tanguent langoureusement sur les eaux paisibles. J'observe avec envie les derniers touristes accoudés au bastingage. Je distingue par intermittence les visages au sourire béat. Je serre les dents. Avant, j'étais comme eux, insouciante et persuadée de la sûreté de ce monde. Je lutte contre l'engourdissement de la peur. Ces visiteurs noctambules m'offraient une relative sécurité. Désormais, je suis seule. Quelques voitures passent sur le boulevard. Elles circulent pourtant sans me voir. Je m'agrippe à mon banc si un flic passe par là. Il peut décider de me déloger. Je claque des dents. Je dissimule mon visage de femme sous mon foulard noir et blanc. La chaleur du jour a disparu. Un vent frais s'attarde sur la peau de mes mains. Je les fourre précipitamment dans mes poches. J'aimerais fuir cet endroit de néant. Je ferme les paupières. Imaginant un foyer chaud et réconfortant, un lit douillet dans lequel je serai enfin en sécurité. Mais c'est impossible. La nuit m'avale. Elle m'englue entre ses lèvres de suie. Les prédateurs rôdent, les crocs découverts. Ils fuient les lumières pour se confondre avec les ténèbres. Ils guettent une nouvelle proie. L'un d'entre eux s'approche. Vêtu d'un costume sombre et d'une belle chemise, il est tout en séduction, mais son regard noir dément ses propos réconfortants. Je succombe dans les premiers instants à ce désir de le suivre. Nous faisons quelques pas sur un large pont enjambant la Seine. Un groupe d'étudiants hilares, sans doute un peu ivres, nous dépasse sans nous voir. Mes idées sont confuses. La faim et le manque de sommeil embrouillent ma vigilance. Je me pétrifie brusquement. Il s'arrête à son tour. Son sourire se fige. Une lueur de contrariété brille dans ses prunelles brunes. Il proteste, me demande pourquoi je refuse de le suivre tout d'un coup. Il se fait plus enjôleur, me promettant que je peux lui faire confiance. Je recule, et profitant d'un nouveau troupeau de fêtards, je décampe en vitesse. Mon cœur cogne à tout rompre dans ma poitrine. La peur me donne des jambes. En haletant, je retrouve ma banquette de bois. Elle me semble si familière et si rassurante maintenant. Je perçois des mouvements, des odeurs nauséabondes de sueur masculine. Je me recroqueville, espérant disparaître. Je tangue entre songes tourmentés et conscience terrifiée. La nuit n'en finit plus. Le jour me découvre allongé au même endroit, pétrifié par la froidure. Les yeux gonflés d'insomnie, je secoue ma terreur. Les entrailles nouées d'angoisse, je suis tout aussi désœuvré et perdu que la veille. Les souvenirs de mon existence d'avant remontent à ma mémoire. Un garçon aux cheveux et au regard noir hante mes heures. Une grimace étire mes lèvres dans un sourire désabusé. Tout est allé si vite. Il suffit de tomber amoureuse du mauvais garçon et tout bascule dans un cauchemar. Il suffit d'une dispute et il part en me volant mon argent. La scène se déroule au ralenti devant mes yeux larmoyants. Il me propose un voyage autour du monde. Et on commencera par Paris, la Tour Eiffel et ses bateaux-mouches. Un escroc, un manipulateur. Voilà mon bel amour qui dévoile enfin son véritable visage. Il m'abandonne sur les quais de la Seine, sans un sou en poche. Je suis ivre de rage, puis, au fil des jours, je suis trop épuisée pour le haïr. C'est moi-même que je blâme. C'est ma stupidité et ma naïveté que j'accuse, et ce flic, au commissariat, qui me propose de venir chez lui. Je déambule dans un fracas, au milieu d'un tumulte incohérent, j'erre sans but, dans ce monde absurde auquel je n'appartiens déjà plus. Je marche dans ce dédale de rues sales, je me heurte de plein fouet à la violence des regards fuyants et au mouvement de dégoût. Je me cogne brutalement aux grimaces de mépris, à ces inconnus sans humanité, qui n'ont même pas la décence de se dissimuler derrière une main. Et je me sens sale, laide et mauvaise. Je devrais peut-être m'asseoir comme tous les autres. Je poserai mes fesses de sans-abri, de SDF, de moins que rien, sur une marge de perron pour mendier. Je m'achèterai un billet de train pour rentrer chez moi. Il suffirait que je tende un gobelet vers ces gens bien propres sur eux. Je devrais réclamer de quoi survivre, de quoi apaiser les grognements de mon estomac. Il se tord de faim. Je n'arrive pas à m'y résoudre. La honte me retient encore. Alors me voilà, ombre parmi les vivants. J'avance sur ce bitume brûlant. J'observe tous ces zombies qui courent sans but, pressés de vaquer à des occupations futiles. Ils piétinent, la tête baissée sur leurs chaussures hors de prix, indifférents et muets, les yeux aveugles et les oreilles sourdes. Je vois des bouches vomissant sur la misère. Oui, me voilà, insecte dégoûtant, révoltant la civilisation. Je suis debout, les cheveux pendouillants de crasse. Me voilà, animal humain, embaumant de ma puanteur vos belles avenues. Je suis là avec ma vessie pleine de pisse, qui ne sait pas où se vider ou se soulager dignement. Et j'ai soudain envie de hurler. Vous aussi, vous pouvez vous retrouver à la rue du jour au lendemain. Mais j'étouffe mon cri derrière mes dents serrées. Je regarde droit devant moi. Je me drape dans le peu de dignité qu'il me reste. Et les heures ressemblent à des années. Les trottoirs s'assombrissent au fil des passages. Les pots d'échappement continuent à expulser encore et toujours leur poison sur le ventre et le ciel de la terre. La populace bien pensante s'étale sous le soleil des terrasses. Des femmes s'extirpent à regret des boutiques haute couture. Les gens vont et viennent, brûlant des billets pendant que l'autre moitié du monde meurt en silence, la bouche dans la boue. Et tout recommence. Chacun et chacune entrant dans un ballet de va-et-de-vient, de rats et de rien. Et moi je marche, je rampe dans cet enfer. Je trouve en farfouillant dans ma poche deux pièces. Poussé par la faim, je franchis sans conviction le seuil d'une petite boutique. Je l'ai choisie car elle reste coincée entre deux ruelles sombres. Elle me paraît moins orgueilleuse que sa voisine. Je voudrais acheter une pêche. Le fruit rond à la peau douce comme une jupe de velours chic. Il repose tendrement dans un écrin de papier croustillant. Je peux respirer avec délice son parfum de soleil sucré. Ses effluves captivants sont autant de promesses juteuses. Je la salive déjà. Je devine combien il sera délectable d'y planter mes dents. Cette pêche est une perle de bonheur simple. Elle va me coûter les derniers sous qui m'auraient séparé encore de la mendicité. Mais je me la rêve trop pour y renoncer. La vendeuse me gifle au visage avec son sourire méprisant. Ses yeux de fausse tristesse me donnent la nausée. Elle me l'emballe ma pêche dans un papier de gens riches. J'ai presque envie de rire devant tant de simagrées. Je m'éloigne en hâte, pressée de me soustraire à la touffeur des faux-semblants. Je m'assois sous un rayon de soleil. Avec révérence, je découvre le trésor. L'emballage est pareil à un cadeau. Le papier émet un ravissant crachouillat. Je la caresse comme la peau d'un amant. Je la palpe, je la renifle, les paupières m'y closent. Je veux faire durer le plaisir. Son jus dégouline le long de mon menton. Je glousse en aspirant ses sucs. Sa chair est un recueil de souvenirs d'enfance. Je me cloître loin du brouhaha de la rue. Je veux être seule avec mon ivresse. Elle diminue trop vite sur son noyau, comme je voudrais qu'elle reste grosse et pulpeuse. Et puis c'est la fin. Le triste retour à ce bout de trottoir anonyme. Lui non plus ne sera jamais à moi. Il ne sera jamais mon devant de porte. Mon estomac se remet à couiner lamentablement. Il crie plus fort. Il m'engueule de ce faux repas, de cette esquisse de délices. Mais sa tourmente ne guérira pas cette fois-ci. La nuit reparaît. Les prédateurs guettent le crépuscule, avides de chair fraîche. L'âme dévorée de crainte, je regagne mon banc public. Je retrouve sans joie aucune toutes mes hallucinations de sommeil introuvable. Des créatures difformes aux orbites vides dansent dans la brume crépusculaire. Ces fantômes sans visage ouvrent des gueules gigantesques pour m'avaler. Je referme les yeux, refusant de céder à la panique. Mais ils flottent vers moi en agitant leurs bras squelettiques. Je sanglote en silence, épuisé. Encore une fois, la nuit tombe sur le paysage parisien. Elle abat son rideau de taffetas noir, dissimulant la misère, la solitude et la peur. Je jette un œil envieux aux passagers assis bien au chaud dans leur voiture. Je me recroqueville plus loin sur mon lit de bois. La honte et la colère s'entremêlent dans mon ventre en un tourbillon rougeâtre. Ma place n'est pas ici. Ai-je envie de hurler? Pourquoi cette horreur s'est-elle abattue sur moi? J'avais une vie avant. Les rares passants fuient mon regard. Ils peuvent sans doute lire la révolte sur ma figure blafarde. Ils détournent vivement les yeux, embarrassés par ma crasse. Je grimace en silence. Pour eux, je suis invisible, inexistante. Une ombre sans contour qui surgit au coin d'une avenue. Tout au plus, une odeur désagréable de détritus. Elle surnage un bref instant devant leur belle vitrine. Un déchet rejeté par une société corrompue et égocentrique. Le va-et-vient ne peut s'interrompre pour si peu. Un nouveau matin frileux se lève face à la tour de métal. J'observe stupéfaite cet édifice centenaire. Je le trouve laid et froid. Les touristes s'égayent comme des oiseaux bavards à ses pieds. Les appareils photos s'agitent entre leurs mains. Ils poussent des jappements admiratifs et dire qu'ils ont parcouru des milliers de kilomètres pour voir cette monstruosité. Je rigole toute seule, en piétinant sur la longue route. Mes pas me ramènent inexorablement sur les rivages de la Seine. Dans d'autres circonstances, j'aurais aimé ces flots nonchalants. Je prends place au milieu d'un groupe d'étudiants joyeux. L'espace de quelques heures, je me prends à rêvasser. J'imagine être l'une d'entre eux. Assise sur un carré de verdure, les bras nus exposés à la douce chaleur du soleil, Je fume mes dernières cigarettes. Je les grille une par une en repoussant les heures sombres. Ses volutes bleutées s'élancent vers l'azur avec élégance. Je les suis des yeux un instant extatique. Mes pensées s'égarent, la faim les rend hypnotiques. Un jeune homme aux cheveux couleur de feu prend place près de moi. Son regard a la même teinte que le ciel au-dessus de nous. Il sourit avec douceur et m'offre une cigarette. Je l'accepte avec reconnaissance. Le tabac repousse un peu la faim. Nous bavardons plusieurs heures. Je redoute l'instant où il disparaîtra. Il me confond avec une étudiante. Dans un premier temps, j'hésite à lui confier mes malheurs. Mais sa gentillesse et sa douceur m'incitent aux confidences. J'accepte de laisser libre cours à mes angoisses. Il m'écoute, stupéfait. Une lueur de compassion illumine son beau regard. Le soir étire ses tentacules sur mon fragile bonheur. L'insouciance du soleil s'achève. Les gargouillis de mon estomac me ramènent brutalement à la réalité. L'homme à la crinière rouge m'invite à dîner. Je rêve d'un bon repas et d'une douche brûlante. J'accepte son invitation. Dépassons la tour Eiffel en silence. Soudain, les mots semblent superflus. Son studio est minuscule. La porte de la salle de bain ne possède pas de verrou. Je lorgne le battant avec une pointe d'appréhension. L'eau chaude dénoue mes muscles douloureux. En grimaçant, j'enfile de nouveau mes sous-vêtements sales. Mes cheveux hument bon la pomme. J'examine avec curiosité mon visage dans le miroir. Mes iris verts ont perdu leur éclat joyeux. Je me glisse en silence dans le couloir sombre. Il m'appelle depuis la kitchenette. Il se retourne, le sourire aux lèvres. Presque machinalement, j'étreins mon petit couteau suisse que je cachais dans la poche de mon jean. J'ai brutalement conscience de ma fragilité. Cette arme dérisoire ne pourrait suffire à me défendre. Mais la bienveillance de mon hôte fait fondre mes dernières barricades. Nous mangeons l'un assis en face de l'autre. La table étroite laisse peu d'espace entre nous et cette promiscuité m'effraie un peu. Ces dernières heures remplies de terreur font de moi une biche aux abois. Les nerfs tendus, j'avale mon assiette de nouilles au jambon. Ce sont les meilleures pâtes que j'ai jamais mangées. Mon estomac se gonfle de satisfaction. Le café brûlant termine ce repas somptueux. La nuit s'avance sur Paris. Les volets clos nous maintiennent loin des regards et des dangers de la rue. Je redoute la suite. Exigera-t-il un paiement pour le gîte et le couvert? Il semble lire dans mes pensées. Le rouge lui monte aux joues. Il détourne les yeux et secoue la tête, peiné de ma méfiance. Pourtant, il me comprend. Il me propose son canapé, mais je décline son offre. La crainte de le sentir se glisser en pleine nuit dans mon lit s'impose à mon esprit. La trahison de mon ami est bien trop proche. Même si mon instinct me dicte de lui accorder ma confiance, la peur est la plus forte. Elle imbibe chaque pore de ma peau. Sa mine navrée me fend le cœur. Il hésite une fraction de seconde avant de capituler. Néanmoins, il refuse de m'abandonner à mon sort. Le monde au dehors est trop dangereux pour une femme seule. Après quelques minutes de réflexion, il trouve la solution idéale, je dormirai dans sa voiture. Recroquevillé sur la banquette arrière, je somnole. Au loin, je distingue le brouhaha des Parisiens. La lune m'observe de son œil blafard. Même ici, à l'abri dans cet habitacle étroit, la peur tenaille toujours mes entrailles. Je demeure pétrifiée, immobile et muette, suspendue entre deux mondes. Finalement, je succombe à l'attrait du sommeil. Mais mes songes, trop agités, secouent mon corps épuisé. Les premières lueurs de l'aube teintent le ciel de mauve. Des oiseaux gazouillent gaiement dans les platanes rachitiques qui bordent le parking. Je m'extirpe de la voiture, les membres engourdis et la bouche sèche. Je tourne le dos à la Seine. Je monte dans un bus direction le métro. Mon protecteur aux cheveux flamboyants a glissé un billet tout froissé dans ma main. Je le déplie soigneusement et le tends au chauffeur. Son regard sans expression me traverse sans me voir. Ses cernes violets sous les yeux témoignent d'une vie morose. Je tombe sur un siège au hasard. Le trajet s'effectue dans un brouillard opaque. De bus en métro, je retrouve le chemin de la gare SNCF. Les wagons sont pratiquement vides. Je n'ai pas assez d'argent pour payer ma place, mais cela n'a aucune importance. Je rentre chez moi. Durant quelques jours, j'ai été la femme de la rue. Une silhouette grise, déambulant au cœur d'une des cités les plus belles du monde. Ces heures baignées de terreur et de solitude resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Mais à présent, je retourne à la civilisation. À cet univers incertain, où tout peut basculer en une seconde. Assis sur la banquette recouverte de velours orange, je pose mon front contre la vitre. Je ferme les yeux. Je chasse les brumes glacées qui s'agrippent encore à mes épaules. Je laisse libre cours à mes larmes de soulagement. Bientôt, je serai à la maison.